Collaboration avec CISM, le drame musical Whiplash. Citizen 4, l'histoire d'Edward Snowden, un documentaire de Laura Poitras. Le Ciné-Campus est présenté tous les mardis et mercredis au Centre d'essai du pavillon J.A. de Sèvres à l'Université de Montréal. Tous les vendredis matin, sur les ondes de CISM La Marge, de 10h30 à midi, écoute le Cubicule. Actualité théâtrale, entrevues, extraits, lectures inédites, dirigées par l'Escadron Création. Le Cubicule, sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bonsoir à tous, lundi 29 décembre, bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous présente une heure de rock indépendant en direct sur les ondes de CISM. Ce soir, c'est l'avant-dernière émission, ce sera la semaine prochaine la dernière. Ce soir, j'ai pour vous des nouvelles chansons de Beliefs, de Male Bonding, également de Martel Solo. Il y aura aussi des vieux trucs comme du Archers of Loaf, du Pavement, également Les Morts. La liste complète des chansons se retrouvera comme à l'habitude sur le CISM893.ca. À la toute fin, on débute avec du Yoni Wolf, le gars derrière le groupe Y. En fait, Yoni Wolf, c'était son nom, c'est son vrai nom dans la vie, me semble, mais c'est le nom sur lequel il travaillait avant de former le groupe Y. Mais il retournait à ce nom pour sortir au début du mois de décembre une cassette qui s'appelle Snow Jams Cover Tape. En fait, cassette disponible en 300 copies seulement, mais disponible également sur la page Bandcamp, donc de yoniwolf.bandcamp.com. Et comme le nom le dit, il s'agit d'une cassette de reprise de chansons. Ce que j'ai choisi, c'est une reprise de Close to Me de Cure, mais ça m'a pris du temps pour réaliser que c'était la chanson de Cure. Vous allez voir, c'est les mêmes paroles, mais tout était rebrassé à la sauce Yoni Wolf. Why? On écoute ça à l'instant. Ce sera suivi d'une vieille chanson de Pavement, Front Yards, tout ça donc sur le Terminus. Bonne écoute. I've waited hours for this. I made myself so sick. I wish I stayed. I'll sleep today. Close to me. hours for this. I've made myself so sick. Yeah. Softpack, Answer to Yourself, de leur tout premier album homonyme, s'appelait donc de Softpack, qui paraissait en 2010, et fait intéressant ou drôle, c'est à vous de décider. Le groupe s'appelait The Muslims au début, autour de 2007-2008. Ils ont changé de nom pour de Softpack, vous avez sûrement deviné pourquoi. Juste avant, c'était Pavement avec Front Yards, une chanson qui paraissait initialement en 1992 sur un EP appelé Water Domestic. Et en 2002, les chansons de ce EP-là et de d'autres musiques de la même époque se sont retrouvées sur la version Lux and Redux de l'album Slanted and Enchanted, qui sortait aussi à la même époque, autour de 1992. Et on a rassemblé toutes des versions démo et des EP pour cette version augmentée, donc ce coffret de l'album Slanted and Enchanted, si vous voulez retrouver cette chanson-là. Et ben, sinon, Pavement, bon, existe plus depuis plusieurs années. Mais quand même, le leader Stephen McManus aura quand même sorti cette année un nouvel album solo qui s'appelle Wig Out at Jack Bags, un album que j'ai écouté survolé, mais que, bon, je me promets de réécouter plus en profondeur là, d'ici la fin du temps des fêtes, pourquoi pas, c'est l'occasion de faire ça habituellement, de regarder les tops et réécouter les albums qu'on a laissé passer au courant de l'année. On avait aussi entendu en début de segment Yoni Wolf, le gars de Y, avec une reprise de The Cure de la chanson Close to Me. On continue tout de suite maintenant avec LOL, un groupe noise pop de South London qui donne dans une espèce de shoegaze. Ça sera le fil conducteur de ce segment musical. Il lance un premier album dans la formation LOL au début de janvier, et on entend à l'instant le premier extrait qui s'appelle Bubble Tea. Tout ça sur le 89.3 CISM. We'll be right back. We'll be right back. groupe de Toronto, Beliefs, avec Tidal Wave, le premier extrait de l'album Leaper, leur deuxième, qui paraîtra au début de 2015 sur N-Drone Dracula. Et je m'excuse, il y avait un petit quelque chose qui s'est passé dans le milieu de la chanson, mais bon, on est revenu à la chanson principale, donc de Beliefs. Et au début de la saison, de cette saison-ci d'automne, il y avait Josh Corrody, qui est le leader principal et parolier principal de la formation Beliefs, qui nous disait que pour ce deuxième album, la formation souhaitait être un peu plus, créer des chansons un peu plus accessibles. Il semble qu'avec ces premiers extraits-là, en tout cas, ça semble réussi. Donc, du shoegaze, dream pop, mais un peu plus accessible pour Beliefs. C'est juste avant, c'était la formation Shoegaze Psych de Dallas Ceremony avec Throw Your Love Away. On avait débuté ce segment avec LOL et Bubble Tea. Pour la prochaine chanson, on va retourner en 1995 avec Archers of Loaf et probablement leur plus gros succès en carrière sur leur plus gros album en carrière, l'album Ike Metal, la chanson Web in Front jusqu'à 20h. Vous écoutez l'émission Le Terminus, le meilleur de l'indie rock sur CISM. Jean-François Lusignan avec vous. Stuck a pin in your backbone, spoke it down from there. All I ever wanted was to be your spine. Lost your friction and you slid for a mile. Overdone, overdrive, overlive, override. You're not the one who let me down, but thanks for offering. It's not a voice and I'm not around. Thanks for picking it. Les signaux d'amour qui plottent dans la nuit. On peut rejoins, je les rallume. Qu'ils vivent et se consument. Et je me sentirai délivré si encore une fois je porte le costume de celui qui loge sous son toit. Une âme égarée dans le corps d'une grande brume. Je vous laisserai vos déviances. Vous me laisserez m'isoler avec l'objet de ma concupiscence. Pour au moins toute une année. Avec Lunge Forward de l'album Afraid, Afraid of Heights, qui paraissait en 2013, un des très bons albums en fait de 2013, année où, au cours de laquelle je crois même le groupe Waves vraiment éclos pour le grand public, hein, avec des chansons qui paraissaient dans une des stations de radio du jeu Grand Theft Auto V. Ça permet, c'est certain, d'atteindre un plus grand public. Donc Waves, on attend impatiemment la suite des choses. Avant ça, c'était Le Nombre avec Laissez venir à moi les grandes brunes de leur album Le Nombre, qui paraissait en 2002. Et on avait débuté ce segment avec Archers of Loaf, Web in Front. On continue maintenant avec une chanson qui nous est parvenue il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant. Enfin, la formation Male Bonding, qui je crois travaille sur un nouvel album pour faire suite à l'album Endless Nog, sortant en 2011. Et là, ben ils ont mis sur SoundCloud une nouvelle chanson qui s'appelle A Kick to the Face. Très courte chanson, 2 minutes, mais c'est un concentré de ce qu'on connaît du groupe. On écoute ça à l'instant sur le terminus, sur les ondes de CISM, Male Bonding. We'll be right back. Loin, on te voit dans la foule. que oui, dirait MC Gilles, c'était Homme animal des morts, une chanson qui remonte à 1997 sur un album cassette à l'époque. Oui, ils étaient déjà sur cassette. Ils étaient précurseurs, les morts, ou peut-être en retard à l'époque, on sait pas trop. En fait, et c'était, par la suite, ils ont sorti un album complet vers la fin, justement, des années 90, début 2000. Et c'était la fin. Ensuite, ils étaient morts, les morts. Et ils qualifient leur musique sur ce démo, cet album, de rock dégueulasse. En fait, c'est un rock assez lo-fi, c'est sûr. Dégueulasse, je sais pas trop. Enfin, on avait débuté... on avait entendu juste avant les morts, Bande de garage, Le Boucher. Et le segment avait commencé avec Mail Bunding, A Kick to the Face, premier extrait d'un album, je suppose, qui s'en vient en 2015. On continue maintenant avec Film School, un groupe de San Francisco qui, aux dernières nouvelles, s'était séparé depuis 2011, mais là, surprise sur la page Facebook, ils nous montrent une console, donc ils sont en train de jouer avec des consoles, donc on suppose qu'ils travaillent sur la nouvelle musique. Ils ont même fait un spectacle il n'y a pas tellement longtemps, donc le groupe de San Francisco devrait nous revenir bientôt avec de la nouvelle musique. Entre-temps, on écoute leur album sorti en 2006, Film School, la chanson Eleven, Eleven, à l'instant, et on revient avec, bon, le dernier micro de l'émission. Don't you know you said you never should lie? Don't you know you said you never should lie? Don't you know you said never should lie. Eleven de Film School. Restez à l'écoute dans quelques minutes après les publicités. Ce sera Roman de Loin avec l'émission Nous sommes les rockeurs. Pour retrouver l'émission de ce soir en balado-diffusion ou la liste des chansons, les deux se retrouvent sur le CISM 893 dans quelques instants. Sinon, les archives de l'émission, c'est toujours le terminus. .ca. On va se quitter avec la musique d'Anna Lou Clark, qui est une nouvelle recrue de l'étiquette scandinave Gravy Records. Elle fait paraître à la fin du mois de novembre trois chansons, donc un EP intitulé Silent Type EP, ou EP, qui a quand même fait beaucoup jaser sur les blogs spécialisés, les magazines spécialisés également. On va entendre la chanson de titre, donc Silent Type de Anna Lou Clark, et si on a le temps, on écoutera du Martel Solo qui est sorti cette semaine des nouvelles chansons juste avant Noël, dont Maison Columbia, que j'aime beaucoup. Sinon, ce sera la semaine prochaine que vous allez l'entendre. Donc, on se quitte là-dessus. Anna Lou Clark, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se reparle lundi prochain, 19h, pour la dernière émission du Terminus. Ciao! Lost somewhere in between.